J'irai pisser pendant un Market Z. Bonjour à tous, vous écoutez On s'écoute ça tout de suite avec moi comme à l'accoutumée ce bon vieux Noé. Hein. Salut à tous. Alors comment vas-tu? Bah ça va très bien. La semaine dernière c'était les vacances, t'as passé de bonnes vacances ou pas? Ah ouais, je suis allé au ski et je suis allé voir Johnny Hallyday. Ah oui, ok. Ouais, un programme chargé. Hein. Johnny, c'était bien? Ah, en vrai c'était vraiment sympa, franchement c'était vraiment sympa. Il y avait beaucoup de spectateurs d'Energy 12 dans la salle et pourtant il y avait quand même une super ambiance, un super concert. Je suis déçu Noé, Johnny quand même je pensais pas. Oh mais faut s'ouvrir un peu l'esprit. Ouais ouais, j'espère que t'as bien travaillé. Hein. J'ai bien travaillé. Moi j'ai fait une bonne petite recherche de morceaux hein, pour la playlist d'aujourd'hui. Ouais, pareil. Et donc j'espère que t'es prêt parce qu'on attaque du lourd hein. Après Blur, après les reprises on s'attaque au post-punk. Alors moi personnellement c'est une période que j'apprécie, mais je dois bien avouer que c'est pas celle que je connais le plus hein, donc, et peut-être vous aussi qui nous écoutez. Alors Noé, est-ce que tu pourrais nous remettre un petit peu dans le contexte brièvement? Alors c'est assez dur à définir hein, le post-punk. On va dire que d'abord c'est une période. En gros le punk arrive en 76 jusqu'en 77. En 78 on remballe, c'est fini hein, les Sex Pistols se séparent en janvier 78. Enfin, Johnny Rotten part, mais l'impact du punk sur la musique populaire va rester un moment, et du coup toute la période qui va après, de 78 à peu près 83, 83 4, avant ouais. que ce soit récupéré en fait par les Eurythmics et les machins comme ouais, ça, toute la dance, toute la... on va appeler ouais. ça le post-punk, et en gros, alors pour vous faire vraiment le truc, dans les années 70 il y avait le prog rock, avec pas mal de musiciens virtuoses, comme King Crimson, les Floyd, ouais. les trucs de Baba, comme on disait à l'époque, Genesis, tu vois, tous ces trucs là. Et c'était des morceaux très longs qu'on écoutait pour faire dans le cliché, assis par terre en fumant des pétards et machin. Et il y a le mouvement punk qui arrive du coup en 76. Il hein, y avait des groupes avant comme les New York Dolls et tout ça, mais qui n'avaient ouais. pas trop marché. Et en 76, t'as le gros mouvement punk qui arrive dans la foulée, une multitude de groupes secrets. Et dans ce vivier spontané, on va aller piocher. On allait piocher notre playlist dans le vivier de 78 à 83. C'est une liste non exhaustive. Hein. Oui, alors impossible de tout traiter. Je pense qu'on va traiter 1% du sujet. Hein. On aurait fait une émission de 24 heures sinon. Bah, oui, oui. Mais on va essayer en tout cas de vous donner un aperçu de cette époque charnière de la musique actuelle. Les débuts du synthé, de la boîte ouais. à rythme, de la musique électro-minimale du coup. Il y avait la peur de l'apocalypse atomique. Hein. C'est très très marqué le post-punk par ça. Et puis c'est une période qu'on pourrait définir de très froid. Il y avait des styles comme la Cold Wave et tout Cold ça. Wave, ouais. Et donc voilà, on va vous faire écouter en bref une nouvelle génération un peu moins joyeuse que la précédente, mais beaucoup plus spontanée. Alors on a décidé de traiter tout ça dans un ordre chronologique. Exactement. Hein, même si bon, il y a des morceaux qui vont apparaître plus souvent dans certaines années que d'autres. Hein, je pense. Il y avait des années plus chargées, plus emblématiques peut-être. Et on va commencer par toi, Noé. Hein, nous sommes en 1977. 1977. Donc on est encore dans le punk, la grande année du punk, hein, punk 77. Et il y a un groupe qui s'est formé en 75 qui s'appelle Television. C'est un groupe de New York. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à New York, la scène est un petit peu plus arty qu'en Angleterre. En Angleterre, bon, c'est... En gros, c'est un peu plus les beaufs. Bon, c'est un peu plus rude, plus voilà, brut, moins musical. Et aux États-Unis, ça va être un peu plus arty, un petit peu plus underground. Avec notamment Patti Smith, Suicide, les Ramones, les Voidoids et donc Television. Et ouais, je l'ai mis dans le post-punk parce que je trouve que ça sonne pas vraiment punky, mais c'est nouveau. Je vous laisse juger ouais, pour savoir si vous mettez ça dans le punk ou pas. On s'écoute ça tout de suite. Confidential. dented. Case is closed. Alors Vincent, une petite idée ou pas punk ou pas punk? Nouveau, on va dire. Et ouais, c'est ça. C'est... Ah, je pourrais pas dire, je sais pas. C'est quand même nouveau pour l'époque. Voilà, c'est, faut au moins retenir ça. Ils ont au moins le mérite d'avoir apporté un vent de fraîcheur, je pense. Et exactement, exactement. Bah, on entend, moi ça me fait beaucoup penser aux Strokes, ils ont vachement dit ça, c'est ça. Ce dialogue incessant entre les deux guitares, tu sais. Oui. Chacun fait sa propre mélodie et ça s'entremêle très très bien. J'adore, c'est un groupe qui a été formé du coup en 75, je vous disais, par Tom Verlaine, le chanteur, là qu'on entend, et guitariste, et Richard L. à la basse. Alors Richard L., il a quitté, parce qu'il était trop mauvais, il s'est fait virer, il s'est fait virer de Television, il a fondé les Voidoids, et il a fait un hit qui est un peu l'étendard du punk new-yorkais, qui s'appelle Blank Generation, je sais pas si tu connais. Non, j'ai jamais entendu. Ah, c'est super, et là pour le coup c'est très très très punk, hein. Il était obsédé par les fringues déchirées et tout ça. Le punk lui doit beaucoup à cet homme-là, Richard L. Et pour en revenir à Télévision, la chanson là qu'on vient d'écouter, qui s'appelle Prove It, elle vient de leur premier album qui s'appelle Marquee Moon. Et c'est vraiment un album vraiment mythique du rock que je vous conseille, que tous les amateurs de rock devraient avoir écouté au moins une fois dans leur vie, tant il est novateur et tant, je sais pas, particulier. Quand on retrouve vraiment ça nulle part ailleurs. Bonne année, bonne santé, hein. Nous voilà en 1978. Alors je sais pas pour toi, mais cette année 77 est passée à une vitesse, hein. J'ai pas vu passer. Hein. Ah ouais, putain, ça grandit. Hein. Ah, ça grandit, hein, les enfants. Hein. Donc en 78, avec ma foi, un artiste que j'adore, hein, à savoir Elvis Costello. Hein. À cette période, Costello commence à se faire une petite renommée, hein, qui va bien au-delà des petits pubs où il jouait, parce que je te cache rien, hein, en 70 en Angleterre, hein, c'était un petit peu le pub rock. Hein. Ah toute oui, une... avec le grand Dr. Feelgood. Exact, Manchester, avec une très grosse scène pub rock à l'époque, je me souviens. Enfin, j'avais lu. On sait que t'es vieux, mais à ce moment-là... Ouais. Et donc caractérisé, une période caractérisée par des petits concerts dans des pubs. Hein. On pouvait voir souvent 3-4 groupes passer en une soirée pour 3 fois rien, avec de la bière. Hein, voilà. C'était un petit peu le... Justement, ce qu'on disait tout à l'heure avec les grands groupes de rock prog et tout ça qui faisaient des salles immenses, les groupes de hard rock comme les Zeppelin, là c'était justement la réaction à ça. Ouais, c'était un petit peu la volonté de se détacher des Exactement. Grandes salles de concert. Et donc à la fin de cette période émerge vraiment au grand public Elvis Costello. Hein. 1977, l'album Miami is True, petit succès commercial hein, quand même. Et en 78, This Year's Model, et là c'est le carton avec en son sein le tubesque Pump It Up, hein, un des plus gros tubes de Costello. Et je vous propose qu'on s'écoute ça tout de suite. Listen to the music that, thinking that, listen that, she said, that's that. Alors certes, j'en conviens, le choix est un peu facile, hein, comme je l'ai dit, c'est un des plus gros tubes de Costello, j'ai pas trop pris de risque. Hein, mais le morceau est intéressant parce que c'est le premier morceau qui va jouer avec le groupe qui va le suivre pendant des années après, hein, The Attractions. Et c'est aussi dans ce clip, le clip de ce morceau, que le grand public va découvrir, disons, le jeu de jambes d'Elvis Costello. Hein, parce qu'il faut savoir qu'il avait un jeu de scène assez particulier, mais souvent les jambes Elvis, très... Les Elvis ont ouais. toujours des jeux de jambes particuliers. Et Elvis Costello avait les jambes très arquées et beaucoup de monde se demandait s'il avait vraiment un problème osseux. Ou voilà. Et avec cet album, Disfierce Model, il va vraiment gagner en popularité, mais ce qui est très con, c'est qu'en 79, patatras, hein, il va faire un truc très con, le petit Costello, lors d'une soirée bien alcoolisée, la discussion s'envenime, et il aurait insulté James Brown et Red Charles, je cite, hein, Jive as nigger et blind ignorant nigger. Alors je ne vous traduirai pas parce qu'on reste correct, mais bon, autant dire qu'à ce moment-là, il était pas au sommet de sa carrière, mais il avait vraiment gagné en popularité, et là, boum, tout s'effondre. Oui, il est passé pour un con. Non, je voulais juste préciser, parce que vous voyez qu'on met des trucs assez différents, le post-punk, c'est vraiment pas un genre musical à part entière, on voit ça vraiment plus comme une période, donc vous allez vraiment entendre un peu de tout, là. Vous allez dire, ça n'a aucun rapport, mais ça, le seul rapport qu'il y a, c'est que c'est chronologique. Voilà. Bon, on va enchaîner, parce que j'ai regardé un peu nos anciennes playlists, on n'a pas de groupe français du tout. Non, mais est-ce que c'est pas plus mal? Eh hein bah oui, c'est plus mal de pas avoir de groupe français, parce qu'on sait aussi faire de la musique dans le pays de la chanson à texte. Ouais. Même si on n'est pas réputé pour ça, on a eu de super bons groupes pendant la période post-punk, et moi je vous propose d'écouter ce twist culte. On s'écoute ça tout de suite, c'est Marie les Garçons, Rebop. Et comme je vous disais, on est au pays de la chanson à texte, du coup un très beau texte bien écrit. Alors ça parle français, mais ça parle pas beaucoup français, donc moi ça me va, hein, personnellement. Bon, il faut savoir aussi que le morceau a été produit par John Cale. Alors qui est John Cale? C'est le grand John Cale du Velvet Underground, qui a produit aussi par exemple Horses de Patti Smith, qui est quand même un grand disque. Le groupe Marie les Garçons était parti à New York et il voulait enregistrer une autre chanson qui s'appelait Attitude, mais John Cale il a insisté pour faire cette espèce de twist bizarre. Ouais. Et puis le groupe l'a enregistré, ils se sont cassés, Cale l'a mixé tout seul, et puis il est sorti en single, gros succès, c'était single du mois dans Best et tout, enfin la classe Best était un magazine un peu comme Rock'n'Folk à l'époque, un grand magazine de rock. Et alors moi ce que j'aime bien dans ce groupe là, c'est qu'il a été affilié bien sûr au punk, parce que le punk français a eu, de, comme je vous disais tout à l'heure, une très bonne scène. Et le punk, bah, bien sûr, il détestait la disco, hein, la musique de thunes, là, imaginez, je sais pas moi, c'était un peu de genre David Guetta à l'époque, c'était la disco, quoi. Faut voir ça comme ça, pour remettre en contexte. Ouais. Et Marie et les garçons avaient participé à deux concerts punk avec, il y avait Bijoux, parce qu'ils étaient de Lyon, Bijoux, il y avait ouais. une grosse scène à Lyon, t'avais Bijoux, Star Shooter, Ghana Fool, il y avait Téléphone aussi, donc c'était vraiment pas mal et c'était très punk, comme on disait à l'époque. Et ils n'ont rien trouvé de mieux à faire, Marie et les garçons, que pendant leur set, pendant une de leurs chansons, reprendre un single du moment qui s'appelait Matchmen des Village People. ils faisaient leur chanson et puis d'un coup ils commencent à faire Matchmen devant des milliers de punks en furie. Ah, c'est donc génial, ils se sont ça. Pris des canettes et tout, des sièges, enfin ils se sont fait défoncer quoi, ils chantaient ça, et en sortant de scène un gars a demandé au chanteur alors comment c'était votre prestation et tout, parce que voilà, et le chanteur avec plein d'innocence dans les yeux a déclaré oh, c'était extraordinaire, je crois que c'était notre meilleure prestation. Voilà, donc c'est le groupe qui a réussi à pas à choquer mais à provoquer les punks qui étaient complètement nihilistes et complètement donc voilà, c'est encore plus punk que punk. Et bravo Marie les garçons. Je voulais juste dire une dernière chose dessus, c'est que ce dont je viens de vous parler là a été immortalisé sur un vinyle qui est très bien, qui s'appelle Le Rock d'ici à l'Olympia, avec Asphalt Jungle, Téléphone et tout ça. Si vous avez l'occasion de l'écouter ou de vous le procurer, allez-y. Alors moi pour ma part, j'en avais déjà un peu parlé à la dernière émission, Joy Division, hein. Alors rappelle-toi avec la reprise de Shadowplay par The Killers. Ah oui, on se rappelle tous. Mais tu sais bien que pour un sujet comme ça, c'est impossible de pas parler de Joy Division, tellement c'est un des groupes majeurs de la scène. C'est, de web, la, hein. C'est la tête de file du post-punk anglais. Impossible de passer à côté. Comme j'avais brièvement raconté la dernière fois, c'est justement après être allé voir les Sex Pistols que Bernard Sumner, le guitariste, et Peter Hook, le bassiste, décident de former Joy Division. Et ils sont rapidement rejoints par le phénomène Ian Curtis, hein, le chanteur épileptique. Ils leur doivent beaucoup. Eh oui, complètement. Et donc j'ai longuement hésité pour choisir un morceau, à vrai dire. J'aurais très bien pu choisir Love Will Tear Us Apart, mais ça semblait trop évident pour moi. Je sais pas, tout le monde la connaît. Ouais. C'est vrai. J'ai donc décidé de prendre un morceau un peu différent, moins connu, mais tout aussi bon, on va s'écouter Dead Soul, hein. C'est sorti en 1979, et on s'écoute ça tout de suite. We'll be right back. Alors, un morceau de 5 minutes, oui, mais un morceau où le chanteur ne commence qu'à chanter qu'au bout de 2 minutes 30. Hein. Désolé, j'en conviens, mais bon. Alors, j'ai un petit peu triché au niveau des dates, parce qu'il faut savoir que ce morceau a été enregistré en 79. Ouais. Il est sorti qu'en 81 sur Steel, hein, un album de compilation qui contenait aussi des petites pépites qui n'étaient jamais sorties, justement. Si vous aimez d'ailleurs le morceau, je vous suggère d'aller écouter la reprise par Nine Inch Nails pour la BO du film de The Crow en 94. Hein. C'est vraiment une reprise qui tabasse. Ouais. Je sais pas si je préfère celle-ci ou l'original. Les deux se valent, mais celle de Nine Inch Nails est quand même vachement bien. Joy Division, c'est avant tout deux albums acclamés par la critique, hein, Unknown Pleasures, Closer, mais c'est aussi un groupe au destin tragique parce qu'en 1980, sûrement à cause de son divorce qui se passe mal, de ses crises d'épilepsie qui sont de plus en plus violentes, Ian Curtis est malheureusement retrouvé pendu dans sa cuisine, hein, c'est un peu glauque, mais la suite de l'histoire, bah, vous la saurez tout à l'heure. Et ben, on va rester chez nos amis les Roast Beef, nos bons copains anglais, parce que c'est vrai qu'en général, les grands groupes, bah, c'est en Angleterre, on peut rien. Et avec un girl band pour changer, parce que le post-punk a eu d'excellentes frontwomen. C'était vraiment un mouvement à part. Maintenant je dis ça parce qu'il y avait des bons français, il y avait plein de bonnes chanteuses, comme Susie de Susie and the Banshees. En France on a Cass Product, la chanteuse, là, Mona Soyok. Et on a The Slits. Alors la particularité des Slits, c'est que le groupe est entièrement féminin, à part le batteur, sinon c'est que des nanas. Ouais. C'est, on est toujours en 79, cette bonne vieille 79, et on s'écoute ça tout de suite. Yeah. bon, voilà, c'est pas mal influencé par le punk aussi. Et oui. Puis on entend aussi pas mal le reggae. Parce qu'il faut dire que le reggae était vachement développé en Angleterre. Parce qu'il y a une grosse communauté jamaïcaine. C'est-à-dire que, par exemple, les skinheads en 69, 68, ils écoutaient du ska, en fait. Parce qu'ils traînaient avec les Rude Boys jamaïcains. Et la même année, là, 79, on a un bon revival ska avec des groupes comme, je pense que tu connais, les Madness. Ah, Madness, j'adore. Specials, c'est tout le label Two Tone Records. Ouais. Donc voilà, et d'ailleurs Bob Marley parle bien de cette période là dans une chanson qui s'appelle Punky Reggae Party, où il parle des clashs, ouais, et des jams. Et en gros, c'est pour dire à quel point le punk et le reggae sont très liés. Ils se sont entretenus aussi. Ah oui, oui, même les clashs ont fait du reggae pas mal. Bah, vous écoutez Guns of Brixton par exemple, ça vient pas de nulle part. Complètement. Pour en revenir aux Slits, Back to the Slits, les filles elles jouaient, bah, c'était déjà un girls band, mais qui jouaient pas du tout sur leur physique comme ça se faisait pas mal dans l'industrie du disque, d'ailleurs comme ça se fait toujours pas mal. Oui. Et Smog, vous entendez dans cette chanson Typical Girl, en gros des fifis très formatées par la ville qui essayent d'être bien machin pour avoir des typical boys. Et du coup c'est très intéressant comme groupe et elles avaient beaucoup beaucoup de talent. En plus, alors elles disaient pas, mais c'était un petit peu le groupe parfait au niveau de la hiérarchie, c'est-à-dire que il n'y avait pas de leader selon elle, ouais. Il n'y avait pas de mec à mettre ou de nana à mettre plus en avant que d'autres, un peu comme un groupe new-yorkais qui s'appelait The Hut, où c'était des nanas aussi, et elle changeait à chaque morceau, elle changeait d'instrument. Ah, c'est bien ça. Comme ça, il n'y avait pas de souci. Et puis la petite anecdote sur les Slits pour briller en société, si vous voulez. D'ailleurs, elle est décédée il y a 6 ans d'un cancer, paix à son âme. C'était la belle-fille de John Lydon. Ah. De Johnny Rotten, hein, qui est des Sex Pistols, dont on va reparler tout à l'heure, alors qu'ils avaient que 6 ans de différence. Voilà, ça devait être sympa, les repas de famille. Voilà. Alors, nous sommes toujours en 79, hein, 79, ah, grande année. Hein, grand un année. Groupe que j'apprécie tout particulièrement, je dis ça à chaque fois, mais c'est vrai. Hein. XTC, hein, un groupe particulièrement prolifique avec pas moins de 14 albums, il me semble. Hein, pas toujours sous les mêmes noms d'ailleurs. Mené par un Andy Partridge au top. Hein, et j'avoue que cette fois-ci, j'ai choisi un peu la facilité parce qu'en 79 sort Drums and Wire, un album particulièrement remarqué grâce à Making Plans for Nigel, hein, que je pense que tout le monde a déjà entendu au moins une fois. Et c'est d'ailleurs marrant de voir que c'est le seul morceau de l'album qui fut écrit par Colin Moulding, c'était le bassiste, il me semble. Et c'est paradoxalement... Ne jamais sous-estimer les bassistes. Oui, voilà, paradoxalement, c'est le morceau qui a eu le plus de succès de l'album. Voilà. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Making Plans for Nigel, on s'écoute ça. Oh, must be happy in his world. Alors, petite question, Noé, sais-tu ce que signifie XTC ? Mais pas du tout, Jamy. Mais pas du tout, Jamy. Eh non, Jamy. Alors, c'est le nom du groupe, hein, XTC. Hein. Donc, beaucoup pensent que c'est une référence directe à une drogue de l'époque, hein, qui tournait beaucoup dans les soirées, la XTC. D'accord. Alors, on va dire, bah oui, c'est complètement ça. Et ben non, en fait, le groupe est apparu bien avant l'arrivée de cette drogue. Alors, et le chanteur Andy Partridge a déclaré justement qu'il avait eu l'idée en regardant un vieux film. Donc, si vous voulez briller en société, ne dites pas que c'est le nom d'une drogue. Hein, voilà. Et les enfants ne touchaient pas la drogue, hein, c'est mal. C'est mal. Et justement, Andy Partridge, on l'avait déjà brièvement cité, Noé, dans la première émission. Est-ce c'est que exact. Ça dit quelque chose ? Eh ben, on le connaît entre autres comme producteur de l'album de Blur, Modern Life is Rubbish, avant tout... d'être remplacé par Stephen Street. Voilà. Tout se rejoint. Tout se rejoint. Hein. En fait, apparemment, Andy Partridge galérait à se faire payer. Hein, et justement, pour revenir sur Making Plans of Nigel, je suis tombé dessus en préparant l'émission sur une reprise de Robin Williams. Voilà. Et que j'ai franchement pas trouvé top top parce qu'il... Il forçait sa voix. On Robin Williams, le chanteur. L'acteur. Robbie Williams, pardon. Ah ouais. Alors, j'étais là, putain, Robbie Williams. Et en fait, Williams, c'est il forçait tellement sur sa voix que j'avais l'impression d'entendre du mauvais Placebo. Ah du ouais. Mauvais Brian Molko, voilà, tellement il forçait sur sa voix, le pauvre. Bref, on va continuer, Noé. Eh bien ouais, on continue avec encore un groupe français, parce que moi je suis pour la mixité, j'ai fait trois groupes français, trois groupes pas français. Ouais, voilà. Bah, ça me plaît pas, ça. Il y a deux genres de groupes, les groupes français et les autres. Alors, attention là, on parle quand même d'un monument du rock français, s'il vous plaît. C'est un album qui s'appelle Danzig Twist, c'est l'un des meilleurs de 10 de rock cocoricastre. J'ai inventé un mot, cocoricastre. Ouais, le groupe chante généralement en anglais, mais par souci de compréhension, je vous ai mis un titre français sur un acteur allemand. Donc on s'écoute tout de suite Mark Itzad avec Konrad Veidt. Et on va pouvoir aller faire pipi. Anklage von schuldig oder nicht schuldig. Im Sinn der Anklage nicht schuldig. Mark Itzhak, c'est vraiment toute une esthétique, hein. ça reprend bien les codes de l'époque. C'est des mecs qui étaient fans de Television, qu'on a écouté plus tôt, et de Talking Heads aussi, qui est un très très grand groupe de l'époque. Et c'était en France, ils faisaient partie des premiers quoi, à faire ce genre de musique, hein. On est en 79, on le rappelle. Et puis, quand même, chose classe chez Mark Itzhak, c'est qu'ils sont rennais. Oui, parce que pour nos fans à l'international qui nous écoutent, on est de Rennes. On enregistre à Rennes là. On enregistre à Rennes. Est-ce que ça va à Rennes? Ouais. Merci. De rien. Alors, le groupe, il y a deux grosses têtes pensantes dans le groupe. T'as le chanteur d'abord qui s'appelle Philippe Pascal. Ah, nom bien français. Un nom bien français, ouais, le double P, hein, comme on l'appelle dans le. Et qui est un chanteur hyper charismatique, qui dansait un petit peu, là, pas comme un épileptique, mais il avait vraiment un style de danse très particulier, à mi-chemin entre Mick Jagger et Ian Curtis, vraiment, c'était ça. Et il y avait Frank Darcel, le guitariste, qui composait aussi les morceaux. Et c'est dommage, parce qu'après un deuxième album en 81, même pendant l'enregistrement de ce deuxième album, le groupe s'est brouillé pour des différents artistiques. Je pense qu'il y avait aussi des gros égos dans le groupe. Et c'est dommage, parce qu'ils étaient promis vraiment un avenir radieux. Et du coup, Philippe Pascal part et puis fonde de Marc Seberg, hein, qui est quand même un très bon groupe. Et Darcel, ils font le groupe Octobre. Faut que je me retrouve dans mes fiches, excusez-moi. Oh là là, tu as 15 papiers là. Ouais, au moins 15 papiers, 3 par chanson. Alors dans Queen Ride Vite, on retrouve un thème sacré, hein, de la jonction des années 70 et 80, c'est-à-dire la guerre atomique. Ouais. C'est bon, voilà, nous c'est la troisième guerre mondiale. C'est le terrorisme et la crise en ce moment. Hein, c'était la troisième guerre mondiale, l'apocalypse nucléaire. Et du coup, l'Europe désire l'euthanasie, tout ça. Non, je voulais dire aussi que les deux têtes pensantes du groupe là sont réunies l'année dernière à Rennes pour un concert exceptionnel. Hein, c'était dans le cadre de la sortie du documentaire Des jeunes gens modernes, que je vous conseille au passage parce qu'il est vraiment super bien. Et j'ai eu la chance de les voir à l'Ubu. Putain, ça devait être vraiment génial à l'époque. Quoi. Les mecs, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils sont super charismatiques, la musique est super carrée. Et ils ont repris les Stooges et le Velvet Underground. Ouais. Et c'était vraiment incroyable. Les mecs, ils ont toujours la patate. C'est dommage qu'ils soient brouillés. Quoi. Bon, ils vont peut-être revenir. Une tournée des Zéniths en fauteuil roulant. Achetant des têtes de bois. Exactement. Mais ouais, c'était vraiment un très très bon, très très très très bon groupe. Alors moi j'attendais ce moment avec impatience parce que je m'étais réservé cette petite pépite depuis le début et je croisais les doigts pour que tu prennes pas la même chose ou voilà. Alors je vais parler d'un groupe qui a pas mal tourné à l'époque, même si on les a un petit peu oubliés, The Monochrome 7, hein. J'étais tombé sur eux complètement au hasard en flânant sur YouTube. Mais ça vaut le coup de s'y intéresser et je vous propose d'écouter le morceau dont je suis assez tombé fou en fait. Alors c'est un groupe anglais, je vous rassure, même si le morceau s'intitule, pardon pour mon allemand, Eine Symphonie des Grauens, que l'on peut traduire par la Symphonie des Horreurs, hein. C'est sorti en 79, alors quelle année, hein, l'année 79, donc grande année. Eine Symphonie des Grauens, The Monochrome 7, on s'écoute ça tout de suite. Alors personnellement, je suis assez fou de l'ambiance de ce morceau. Hein. Je t'avais d'ailleurs fait écouter un autre de leur plus grand tube. Moi, je ne le connaissais pas du tout. J'ai écouté pour cette émission. Ouais. Et je me suis rendu compte hier, hasard le plus complet. Donc je venais de découvrir une symphonie des Grauens. Symphonie des Grauens. Et hier, me demandais pas pourquoi je faisais des recherches sur Nosferatu. Le film de Murnau, et ben le titre complet du film c'est Nosferatu, Eine Symphonie des Grauens. Exactement. J'espère que je t'ai pas piqué une anecdote. Non, pas du tout. Non, même pas en plus. Mais voilà, ça m'a fait rire. Et du coup, voilà. On avait écouté aussi East Frank, c'était un autre de leurs morceaux. On était moins emballés. Hein, donc... Exact. Faut savoir que Johnny Marr était d'ailleurs un gros fan de The Monochrome 7. Hein. Mais au bout d'un moment, The Smiths a énormément gagné en popularité et The Monochrome 7 ont commencé à décliner. Ils sont un petit peu mis en retraite forcée, hein, plus ou moins. Mais ils ont conservé un petit peu de leur aura, hein, parce que je sais que Graham Coxon, le guitariste de Blur, est un très très grand fan de The Monochrome 7. Hein. Mais surtout, pour la première fois que j'ai entendu ce morceau, je me suis dit, je cite, hein, « Putain, on dirait vachement du Franz Ferdinand. Ouais. » Ah, c'est vrai qu'il y a cette voix de très dandy, un peu enlevée. Ouais. Et j'ai fait mes petites recherches, et figure-toi que j'étais pas loin, justement, dans les années 90, Bill, le chanteur de The Monochrome 7, reçoit la visite d'un chanteur-guitariste d'un groupe pas très connu, hein, The Karelia. Et c'était... Et ce chanteur-guitariste, c'est un certain Alex Capranos. Hein, comme de par hasard. Un futur Franz Ferdinand, voilà, comme quoi tout est lié. Et avec Capranos, grand fan de The Monochrome 7, c'est pas étonnant qu'on retrouve des influences dans Franz Ferdinand, hein, bien sûr. Et justement, il s'invite régulièrement sur scène dans des petits concerts comme ça. D'ailleurs, Franz Ferdinand ne s'en cache pas d'avoir The Monochrome 7 en influence, mais eux, ce qu'ils ne comprennent pas, ils disent, hein, arrêtez de nous comparer à Gang of War, on ne sonne pas du tout comme eux. Et justement, est-ce qu'on peut vérifier ça tout de suite ? Eh bien, bien sûr, puisque la prochaine chanson, qui date de cette chère année 79, est une chanson de Gang of Four, une chanson magnétique, une chanson géniale qui s'appelle Damage Goods. Sûrement, c'est peut-être leur morceau le plus connu, je crois. Je suis pas sûr, parce que je sais qu'ils ont fait un tube avec... c'est quoi déjà, machin The Tourist, quelque chose comme ça. J'avoue que j'ai pas... Très, très renseigné. C'est pas ma préférée, c'est pas trop ma préférée, et du coup, je l'ai pas trop écouté. Mais on trouve dans la chanson qu'on va écouter, la Damage Goods, une espèce d'ambiance répétitive, une ambiance automatique, des machines jouées par des humains. C'est génial, on s'écoute ça tout de suite. neck. Heated couplings in the sun. Or is that untrue? Colder couplings in the night. Never saw your body. Your kiss so sweet. Your sweat so sour. Sometimes I'm thinking that I love you. But I know it's only lust. It changes to you good. I always knew it would. You know the change will do you good. You know the change will do you good. Damaged goods. Send them back. I can't work, I can't achieve. Send me back. Open the till. Change you said would do me good. Refund the cost. You said your cheese, but your kiss so much. Your sweat so sour. Sometimes I'm thinking that I love you, but I know it's only lust. It changed will do you good. I always knew it would. You know the change will do you good. You know the change. C'est presque dansant, franchement. Moi, je peux pas m'empêcher de danser quand j'écoute cette chanson-là. C'est une espèce de funk. Tout à l'heure, je vous disais que c'était une période assez froide. Voilà, un funk froid, vachement désabusé, mais en même temps vachement efficace pour la danse. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Gang of Four, ils tiennent leur nom d'une bande de communistes chinois. Les quatre membres du groupe étaient des étudiants et les cocos, ils avaient pas mal la cote. À l'époque, ouais. Dans les milieux étudiantins d'ailleurs. Ils ont une carrière pas terrible au niveau commercial, mais alors pour ce qui est de l'héritage musical, c'est juste incroyable. Il y a des tonnes d'artistes qui s'en sont inspirés. Bah, par exemple, pour les plus connus, je sais pas, Kurt Cobain ou Fugazi, des artistes américains. Je sais pas si on écoute par exemple le générique de Misfits, de la série Misfits, qui est Icos des Raptures. Et bah ça, vous écouterez ça en pensant à Gang of Four et vous allez voir qu'ils sont vachement inspirés des Raptures de cette musique de Gang of Four. Donc du coup pas un succès commercial mais un succès musical, un peu comme le premier album des Velvet Underground, qui la légende dit que en gros ils en ont vendu que 1000, mais que les 1000 personnes qui ont acheté ce disque ont tous formé un groupe. c'est la légende du Velvet. D'ailleurs, ça me permet de faire une petite parenthèse sur eux, parce que c'est une des influences principales avec les Stooges. Avec les Stooges, c'est une super influence pour la scène post-punk. Hein. La plupart, même presque tous les groupes avant-gardistes, se réclament du Velvet Underground selon les périodes, hein, mais tous y reprennent des chansons. Bah, par exemple, Joy Division, voilà. Oui. Il y a qui reprenait Sister Ray, hein, qui disait on a toujours raison quand on reprend Sister Ray. Ou Mark Itzad aussi qui reprenait du Velvet Underground. Enfin, vraiment presque tous les groupes reprenaient au moins une chanson du Velvet Underground sur scène. Voilà, parenthèse fermée sur les influences. Bye bye 1979. Hein. Bonjour les années 80. Ça y est, on y est. Bonjour. Enfin, ah, les années 79, ça a été quelque chose. Hein. Donc Echo and the Bunnymen, hein, encore un groupe majeur de la scène new wave, hein, de l'époque, formé en 78 avec Ian McCulloch chanteur guitariste, Will Sergeant guitariste, Les Pattinson. Bassiste et le batteur qui répond sous le joli nom de Noé Echo. Boîte à rythme, exact. Voilà, parce qu'ils jouaient au début avec une boîte à rythme, mais ils ont trouvé un batteur après, hein, je te rassure. Il s'appelle John Rhythmbox. Non, Pete de la Freitas, s'il s'appelait. Alors, un premier album en 1980, Crocodiles, hein, qui préfigure de leur immense succès. On va s'écouter un morceau pas très connu, il s'agit de Simple Stuff, hein, c'est la phase B du single Rescue. Hein. Simple Stuff, c'est parti, on s'écoute ça tout de suite. Oui. We'll Alors Noé, figure-toi que t'étais pas si loin parce que la boîte à rythme a un nom, c'est Echo justement. Ah ben c'est ça, Echo. Ouais, ils ont nommé Echo and the Bunnymen selon la boîte à rythme, hein, Echo, c'était le nom de la boîte à rythme. D'ailleurs en tournée, ils avaient bien sûr des roadies, hein, et j'ai découvert que l'acteur Daniel Day-Lewis était un de leurs roadies les plus fervents, hein, pendant un temps, c'était assez marrant de voir ça. Et le plus drôle, c'est qu'il faut savoir que le chanteur Ian McCulloch, Max the Mouse comme on dit, il a un petit peu une réputation de, entre guillemets, de langue de pute, hein, comme on dit, hein, dans le milieu. S'il y a un artiste qui trouve pas grâce à ses yeux, alors tu peux être sûr qu'il va le déglinguer. Dans la lignée des frères Gallagher. Exactement, alors après moi tu sais, le clash, le drama, moi j'aime ça. Hein, donc, Ça fait des vues ça. Parmi ses victimes favorites, on trouve par exemple Bono. Hein. Alors ce qu'il dit là-dessus, c'est franchement assez croustillant. Hein. Bono, selon lui, alors il se fout de la gueule de Bono, de tous ceux qui mettent des chapeaux de cow-boy. Hein. c'est des beaufs à chapeaux, quoi, pour ressembler à Bono. Il dit que Bono, c'est vraiment un nom de merde. Il le dit. Hein, ouais, il tire un peu sur l'ambulance, parce que tout le monde se fout de la gueule de Bono. Bah oui, voilà, c'est un peu une cible facile. Donc Bono, c'est un peu un nom de merde. Il dit que U2 n'a jamais été aimé en Angleterre, surtout à Liverpool. Hein, et que ce sont juste des usurpateurs. Et il dit aussi que Bono est encore plus à côté de la plaque que Mel Gibson. Donc tu vois, peu quand même, ça clash. Et une petite dernière que j'aime bien de Ian McCulloch, parce que c'est assez drôle, il dit à propos de Liam Gallagher justement, ça m'a bien fait marrer, je cite, j'adore Liam, mais soyons francs, BDI c'est quand même de la merde. Voilà. Bah, c'est vrai qu'il y a le fameux truc, BDI c'est Oasis mais sans les chansons. Sans les chansons, exactement. Ouais. C'est assez connu. Bon, moi j'enchaîne avec un titre français, parce qu'on va terminer ce qu'on appelle communément maintenant la trilogie française du jeudi après-midi. Cocorico, quoi. Donc là, on fait un petit bond quand même, on passe en 82, de 80 à 82. Ça va pas tarder à se faire aspirer par l'industrie du disque, hein, avec tous les trucs vachement commerciaux, Tainted Love, machin truc, le synthé. Vachement commerciaux même. Oh, oui, pardon, excusez-moi. Ah oui. Tainted Love, le synthé et tout ça, ça va venir à la mode, hein, les coupes exubérantes. Les grands disques des Cure, qui au départ étaient très post-punk, hein, mais qui sont c'est devenu la new wave, quoi. Par un petit groupe qui s'appelle Ice, c'est dans une compilation qui s'appelle Paris Mix, et on s'écoute ça tout de suite. Le noir présent, cache blanc absent, des jours idées de vérité, les lendemains sans espoir si loin. Du temps présent et du temps ancien. Le noir présent cache le blanc. Et tu réel, et tu caché la grande guerre. Alors, tu la sens ou pas la vague Indochine qui va arriver? Ah oui, l'année. Complètement. Indochine, okay. c'est un peu ça, c'est un peu de la cold wave, mais en commercial en fait. J'aime pas Indochine, désolé de le dire, mais vous entendrez jamais de ma part du Indochine. Ouais, bah c'est. Ouais, c'est sympa, moi. Franchement, ils ont fait des trucs bien, hein, mais c'est, voilà, c'est le côté commercial. C'est ce que je disais, là, ça va sortir de l'underground, tous ces machins-là, et ça va éclater à la face du monde. Vous allez en bouffer pendant 10 ans jusqu'à peu près l'arrivée du. Bah, du grunge. Ouais. La Britpop et tout ça. Alors, il y a très peu d'infos sur Ice. Sur Ice. Moi, j'ai trouvé, après de multiples recherches, hein, j'ai trouvé juste une pochette de vinyle noir avec marqué Ice. Donc, si il y a un auditeur qui connaît plus sur Ice, je serais très curieux d'en savoir plus. Ce que je peux vous dire, c'est que la compile sur laquelle figure ce morceau a été tirée à 2000 exemplaires et je crois que c'est l'unique... L'unique truc du label, ouais, c'est l'unique truc du label, donc c'est vraiment un truc vraiment très petit. Un truc de niche, là. Il existe une autre version de la Grande Guerre avec des pianos, un arrangement différent qui est un peu moins cold wave que celle-ci. Mais comme quoi, hein, ça fait beaucoup les arrangements. Mais voilà, mais ça me permet de parler un peu de post-punk en France. Oui. Je pense que le groupe le plus connu du post-punk en France, ça va être Taxi Girl. Ouais. Avec en 80, chercher le gars. Repris par Quentin Moziman, sorti de la Starac. Ce grand Quentin en duo avec Patchy et Cyril Sinelu. Et Oussine. Georges Alain. Mais du coup, il y a eu beaucoup de groupes. Hein. Les Anglais ont vraiment de quoi nous envier. On avait en M-Dropping, comme ça, on y va, c'est parti. C'est parti. Préparez vos calepins. Mathématiques modernes. Ouais. Il y avait Casse Product aussi. Ouais. Il y avait Guerre Froide. Il y avait Ellie et Jacquenot. Ouais. Jacquenot, qui a fait un travail incroyable pour les synthétiseurs avec ses chansons, la Triangle, les Rectangles. Il avait fait le générique d'une grande émission, je me rappelle plus, mais je me renseignais. Ouais, il a fait plein de trucs, Jacquenot. Et ouais, c'était un des premiers à utiliser le synthé comme il le faisait. Il y avait Metal Urbain, c'était les Sex Pistols français qui avaient signé sur Rough Trade en anglais, un label underground complètement mythique. Il y avait Asphalt Jungle, le groupe de Patrick Delin. Il y avait à Rennes, on avait Les Nus, moi j'étais pas né, hein, mais à Rennes il y avait Les Nus, il y avait Fracture, il y avait les Sax Pustus. Sax Pustus qui ont fait leur plus gros carton, c'est quand même la danse du Marsupilami. faut le savoir, mais c'était des groupes géniaux avec Herpin et Pabœuf là au saxo. Enfin, c'était vraiment super, donc on pourrait faire à limite une émission, sûrement pas avec Vincent parce qu'il aime pas ça, mais spécialisée dans le rock et le post-punk en France, ça pourrait être super intéressant. Bon, moi on va attaquer, hein, ça déconne plus, je sors l'artillerie lourde. Hein, on est en 82 avec Golden Brown par The Stranglers. Hein. Alors là, je suis pas allé chercher bien loin, hein, c'est tout simplement leur plus grand succès, hein, à The Stranglers. Mais je trouve le morceau simplement parfait, hein, que voulez-vous, c'est même complètement paradoxal de voir à quel point le single s'est fait démonter. Alors j'en parlerai après, mais le single s'est fait démonter par la critique à sa sortie en 82. Ouais. Même la maison de disques refusait de le sortir parce que c'était trop atypique comme morceau, hein. Mais voilà, parce que c'est aussi une ode à Adeline, hein, les enfants touchent pas la drogue, tout ça. Hein. Mais le groupe s'est accroché, ils ont joué sur les clauses du contrat en fait, et ils ont réussi à faire sortir ce morceau. Hein. Tant mieux, ils ont bien fait, hein, sinon on n'aurait pas pu écouter cette merveille qui est Golden Brown. On s'écoute ça tout de suite. Texture like sun lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown. Mm-hmm. Ouais, on se sent pas bien là, décontracté. On est pas bien là. Alors comme je disais, hein, ce qui est intéressant c'est l'histoire de ce morceau, c'est le claviériste Dave Greenfield qui avait depuis longtemps cette petite mélodie au clavecin là, qui lui traînait en tête et à chaque fois il tentait de l'insérer dans les chansons et ça collait jamais. Et un jour il y a eu Cornwell, le guitariste, qui entendait Dave Greenfield en train de répéter cette petite mélodie et là il a une révélation, il dit « Mais ça sert à rien de vouloir l'insérer dans un morceau, c'est le morceau, tu vois. » Et donc voilà, This is the tune, mate. Ouais. Et comme j'ai dit, très mauvaise presse du single pour certains, les critiques britanniques sont complètement passées à côté en reprochant au morceau de pas avoir d'air en fait, d'être creux, de ne pas avoir de... Ça arrive de se planter. Hein. Voilà. Le Melody Maker à l'époque parle même pour le single du disque, donc Golden Brown, un disque qui va transformer les Stranglers en héros cultes pour les fans de Julio Iglesias. Carrément, tu vois. Voilà. Des fois même, les magazines musicaux ne prenaient même pas la peine de critiquer, tellement je trouvais ça nul. Hein. En gros, ça titrait que les Stranglers sont morts avec ce morceau. Quoi. Oh. Donc, en considérant que les Stranglers c'était Ça change de ce qu'ils faisaient avant en même temps. T'écoutes No More Heroes et tout ça, c'était un peu moins poppy quand même. Complètement. Et au contraire, en France, les critiques furent très bonnes. Hein. C'est marrant de voir comment un morceau aussi critiqué est devenu aussi iconique, en fait. C'est vrai. Moi, j'enchaîne avec Pile. Parce que là... Ah, Pile. Pile. Bientôt la fin. C'est ma dernière chanson. Et du coup, je me permets de casser toute notre belle timeline qu'on avait fait et de retourner en 79. Parce que petit malin, t'as changé au dernier moment ton morceau. Exactement. Mais bon, ça ferme bien... En fait, on ferme par le commencement, ferme par le début. Il s'agit d'un morceau de Peel qui s'appelle Public Image Limited. Le groupe, Peel, ça veut dire Public Image Limited. J'ai choisi parce que c'est le chanteur, c'est John Lydon, aka Johnny Rotten, qui avait écrit cette chanson quand il était avec les Sex Pistols. Et en fait, la tragique histoire, en gros, il aurait quitté les Sex Pistols après la tournée américaine. Le Malcolm McLaren, le vampirique manager des Sex Pistols, voulait les faire rencontrer un braqueur de train qui s'appelait Ronnie Bird, je crois. Pas Ronnie Bird, attention, c'est pas pareil. Enfin bref, il avait un nom comme ça, et John Lydon ne voulait pas en faire un héros de ce mec-là, parce qu'il avait volé avec violence et tout ça. Du coup, ils l'ont abandonné tout seul à San Francisco, voilà. Et quand il est rentré à Londres, il a créé ce groupe avec Keith Levin, qui était avec les Clash, et Ja Wobbles, un bassiste qui a une tête, enfin moi je trouve personnellement, de tueur en série. Ça s'appelle Public Image, de Public Image Limited, et on s'écoute ça tout de suite. You never listen to a word that I said. You only see me by the clouds of my world. Voilà un titre du coup qui avait été écrit pendant la période des Sex Pistols et le groupe aurait refusé de jouer le morceau parce qu'il était trop compliqué. Ouais. C'est dommage ouais, parce que c'était quand même un sacré tube. En plus il est bien écrit, public image, du coup ça parle du statut de d'image publique, je sais pas comment dire ça autrement, ouais. De personnalité publique en fait, et les paroles sont assez critiques du genre t'écoutes pas ce que je dis, tu t'intéresses juste à mes fringues, ou alors quand tu t'intéresses un peu plus c'est que tu t'intéresses à la couleur de mes cheveux. C'est bien écrit, c'est assez marrant, ouais. Et ça parle bien un peu de ce que vivait en fait John Lydon à l'époque. Le son de basse, moi je le trouve vraiment pas mal. Il est très très bon, j'ai adoré la ligne de basse. Au début, là, t'as commencé à bouger la tête, ouais. Quand ça commençait. Et c'est grâce à Ja Wobbles, du coup, le guitariste qui s'appelait John de son vrai nom, qui venait un peu du ghetto et qui adorait la dub, le reggae, la dub et tout ça. Du coup, ça s'entend pas mal avec un son de basse très très rond qui va être caractéristique même de toute sa carrière musicale. La petite anecdote marrante avec lui, c'est qu'il faisait partie de la bande des 4 Jones. Tu sais ce que c'est ? Non. 4 Jones. En fait, c'était une bande dans laquelle il y avait du coup John Lydon. Ouais. Il y avait aussi John Simon Ritchie. C'était ouais. Une bande de collège, de lycée, qui sera connu plus tard sous le nom de Sid Vicious. Il y avait ouais. John Gray, qui a plein d'homonymes, mais lui, il n'est pas connu. Et du coup, il y avait John Wobble, aka Ja Wobbles, comme Sid Vicious aimait l'amener. C'était le Gangs of the Four Jones. Je trouvais ça marrant. Le groupe Peel, pour finir vite fait, est vachement connu pour un tube. Ils font toujours des albums qui sont vachement bien, mais ils sont vachement connus pour un tube de 83 qui s'appelle This Is Not a Love Song. Ah oui. Qui est vraiment génial. This et pour lequel il existe deux versions, une version de 83, une qui est sortie, je crois, peut-être en 84. Il me semble, ouais, en 84, qui avait été enregistrée par Johnny parce que Keith Levin, le guitariste, avait quitté le groupe. Et Johnny avait enregistré le truc, mais en enlevant la guitare et en mettant des cuivres à la place pour faire chier. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire à propos de Peel. Et il nous reste un dernier morceau à passer et on va malheureusement devoir se quitter. Hein. Ça passe très vite. Hein. C'est vrai que ça passe vite. Et avant de lancer ce morceau, on remercie déjà ceux qui ont eu le courage de nous avoir écoutés jusqu'ici. Hein. Merci beaucoup. Mais on va se dépêcher de finir parce que je viens d'apprendre qu'il y a peut-être les résultats du semestre à la fac. Alors vite, vite, vite. Bon, j'espère qu'on n'a pas dit trop de bêtises. Hein, parce que pour ma part, j'aime bien cette période, mais tu sais, c'est toujours le souci. On adore les morceaux, on connaît les morceaux, mais pas les histoires qu'il y a derrière. C'est vrai. Tu vois, il y a toutes les dates, toutes les personnes qui gravitent autour et on maîtrise pas forcément tout ça. Quoi. Donc, on essaie de faire au mieux. Voilà. Et puis je suis sûr qu'il y a des gens qui vont nous dire vous avez oublié de parler de ça, mais oui, on a parlé d'un 1% des groupes qui sortent. Je serais tellement content si des gens nous disaient oh, vous avez oui. Oublié ça, c'est vrai qu'ils auraient écouté l'émission, ouais. Et ce serait génial. Proposez vos artistes, on refera peut-être une post-punk playlist numéro 2, hein, voilà. Ouais, déjà on doit faire la blur numéro 2, la reprise numéro 2. Ouais, bah. Et sinon, est-ce qu'on a eu des retours justement, Noé ? Et bah, pas tellement. Pas pour tellement, la dernière. Il y avait un bon élan pour la première et là ça s'est un peu essoufflé ouais, sur la deuxième, ouais. On va essayer de repartir ouais. Bon, sur les chapeaux de roue. On va d'ailleurs remercier notre cher Jason, hein, qui, notre acolyte, pour son super logo. Ah ouais, qui, il est cool le logo par qui contre. Qui embellit notre page Facebook où vous pouvez nous retrouver, hein, facebook.com/ on s'écoute ça tout de suite. D'ailleurs, tout puisqu'on parle de Jason, est-ce qu'on tease un petit truc ou pas ? Ah, ce serait possible que notre graphiste soit notre prochain invité. Autour de la table, on va essayer de faire le concept de open bar. Chacun amène sa playlist sans période, sans style prédéfini. Voilà, ce qu'on aime, on a envie d'en parler, on arrive avec nos morceaux. Voilà. Exactement. Et donc maintenant, je te propose qu'on glisse doucement vers le dernier morceau. Hein. Je vous avais laissé en suspense avec la fin de Joy Division. Hein. Qu'est-ce qui se passe après ? La suite de l'histoire, là, suite. Suite au suicide de Ian Curtis, et ben tout continue sous un autre nom, hein, tout simplement, parce que les anciens de Joy Division se regroupent sous le nom de New Order. Hein. D'ailleurs, c'est un nom qui avait fait beaucoup polémique à l'époque, ouais. Parce qu'il y avait un lien avec le nazisme, éventuellement. Voilà. Si le premier album reste dans la veine de Joy Division, hein, le groupe va très vite explorer des nouvelles voies. Hein. C'est exactement ce qui se passe avec le morceau que j'ai choisi, Blue Monday de 83, hein. Un son plus électro. Et voilà, on s'ouvre vers... C'est bien, c'est une bonne fin, parce qu'on s'ouvre vers le futur de la musique, en fait. Un peu plus dance, un peu plus disco, avec des influences, des... Voilà, on va voir la vague avec tu sais tout ce qui est les free parties et tout. Exact, ça à la fin ouais. des années 80 mais ça un morceau bien. Qui va d'ailleurs être repris dans énormément de boîtes de nuit hein, ça va devenir un peu un thème iconique à la fameuse Hacienda de Manchester exact. Par exemple et donc ce qui est intéressant justement c'est qu'on commence à voir se dessiner cette transition où on va voir le déclin de la new wave tranquillement et puis on va s'ouvrir vers la disco, la dance, tout ce qui arrive après. Hein. Donc Blue Monday est sorti en 83 et fait 7 minutes 30, mais bon, j'ai plutôt choisi le remix de 88, hein, donc un peu plus court. Et on vous dit au revoir, à la semaine prochaine. Salut. Et on vous laisse avec Blue Monday. Allez, bisous.